Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et nous allons nous pencher sur un sujet apparemment pas très scientifique, les rumeurs. La science ne fonctionne pas sur des rumeurs, mais les rumeurs scientifiques, ça existe. Le printemps dernier, l'agence Science Presse a entrepris une campagne de sociofinancement pour embaucher un détecteur de rumeurs et les fonds amassés ont permis d'embaucher donc un détecteur de rumeurs à temps partiel. Et voilà que depuis une dizaine de jours, grâce à un soutien financier des fonds de recherche universitaire du Québec et du Bureau de coopération universitaire, le détecteur de rumeurs travaille à temps plein. En l'occurrence, d'ailleurs, il s'agit d'une détectrice de rumeurs et elle se nomme Eve Baudin et elle est avec nous au téléphone. Bonjour Eve. Bonjour. Alors, en fait, pour comprendre le rôle et la fonction de la détectrice de rumeurs, je propose de décortiquer un petit peu ces deux mots. Donc, à propos de rumeurs, en fait, de quel type de rumeurs on parle? Parce que j'imagine qu'on ne parle pas des potins sur des personnalités publiques. Non, effectivement. Il ne s'agit pas du tout de potins sur les personnalités publiques. Bon, vous aurez compris que l'agence Science Presse est une agence de presse qui s'intéresse à tout ce qui est scientifique. Donc, ce qui nous intéresse d'abord et avant tout, c'est l'information qui circule, qui est véhiculée dans les journaux, les magazines, mais aussi au sens plus large, des choses qu'on prend pour acquis, des idées reçues. Et nous, notre tâche, la tâche de la détectrice de nouvelles, va être de vérifier si ces choses-là ont un fondement scientifique. Donc, est-ce qu'il y a des études, des recherches qui valident ou qui invalident? Mm-hmm. Qui est présenté comme un fait, encore une fois, ça peut être dans les magazines, mais aussi des choses qu'on prend pour acquis. Et nous, on va laisser de côté là tout ce qui peut être démontré, tout ce qui peut pas en fait être démontré par des études ou par des recherches. Mais en même temps, j'aimerais quand même tout de suite préciser que le motto là du détecteur de rumeurs, c'est quand même la science est partout. Puis je vais m'expliquer. Dans la mesure où finalement, même dans des sujets qui peuvent relever, par exemple, d'actualité municipale, mm-hmm. on peut des fois aller vérifier, ben est-ce que, par exemple, on a beaucoup parlé de diodes électroluminescents à Montréal récemment, ben est-ce que c'est vrai que c'est dangereux pour la santé? Donc, ce sera la tâche du détecteur de rumeurs d'aller vérifier si oui ou non, est-ce que c'est fondé? Ah, oui. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur des DL? Est-ce qu'on a raison d'avoir peur du micro-ondes? Est-ce qu'on a raison d'avoir peur de toutes sortes de choses comme ça? Est-ce que c'est prouvé ou non? Donc, c'est pour ça que je dis que c'est dans un sens assez large. La science est partout mm-hmm. et tout ce qui peut être démontré ou invalidé par la science, nous, va nous intéresser dans le cadre de cette rubrique-là. Mm-hmm. D'accord. Donc, si on dit qu'il s'agit de rumeurs, c'est parce que, bon, ça circule et que ça envahit l'espace et que ça peut donc, donner des renforcer des préjugés chez certains. Pourquoi on appelle ça des rumeurs? Effectivement, la rumeur, c'est un bruit qui se répand dans le public, puis souvent on connaît pas l'origine, c'est une origine inconnue, incertaine, puis il y a une véracité qui est douteuse. Donc ça peut avoir une apparence de vérité, mais quand on fouille graduellement, on se rend compte qu'il y a très peu de vérité derrière ça. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça une rumeur. Donc c'est tout simplement dans ce sens-là que nous on comprend la rumeur mm-hmm. et que le détecteur de rumeurs va chercher à savoir est-ce que c'est vrai ou faux. Est-ce que c'est fondé ou non? Est-ce qu'on peut démontrer cette chose-là ou non, tout simplement? De la même façon que d'autres vérificateurs de faits vont faire leur travail dans d'autres médias, dans d'autres journaux. Hein, on sait qu'il y a plusieurs organismes de presse qui maintenant embauchent soit des vérificateurs de faits ou qui montrent carrément des équipes de vérificateurs de faits. Parce qu'on est à l'ère de la post-vérité, on est à l'ère carrément de la fabrication de fausses nouvelles. C'est ça. Donc, évidemment, il y a cet aspect-là qui nous intéresse. Mais nous aussi, on est une plus petite agence, donc une très petite structure. Donc, évidemment, on va s'intéresser à un aspect spécifique. Donc, la nouvelle, encore une fois, qui peut être démontrée scientifiquement ou non. Mm-hmm. Voilà. Donc, on ne va pas nécessairement aller courir sur tout ce qui touche la politique, par exemple. Ouais, ouais. Donc, voilà pour le côté rumeur. Maintenant, si on regarde donc l'autre mot, détecteur, détectrice, donc ça mm-hmm. suggère que, bon, il y a les idées circulent et qu'il faut détecter celles qui sont des rumeurs. Donc, comment on repère une rumeur? Comment on repère qu'il y a une idée, une information qui peut-être est fabriquée ou qui circule? Quels sont les signes d'une éventuelle rumeur scientifique? Ben, je pense que En fait, mon travail à moi de détectrice de nouvelles, c'est un travail journalistique. Détectrice de rumeurs, c'est un travail journalistique. Donc, je vais me poser les mêmes questions qu'un journaliste va se poser. Mais évidemment, on a aussi le détecteur de rumeurs veut aussi éduquer les gens. Donc, on va aussi essayer de donner des outils pour aider les gens à repérer les rumeurs. Donc, par exemple, si on parle d'un site qui est douteux, on va peut-être dire aux gens, ben, essayez d'aller voir qui fait la nouvelle, depuis combien de temps le site existe, pourquoi il existe, est-ce que la personne cite ses sources. Donc, on a un mandat aussi d'éducation à travers le détecteur de rumeurs. Mais comment le repérer? Je pense que ça dépend de la rumeur qui circule. Et c'est vraiment là où il faut faire un travail de journaliste. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, d'où ça vient, est-ce que ça a été démontré. Il faut passer des fois de longues heures à faire de la recherche dans des banques de données pour vérifier d'où ça vient. Et nous, notre mandat, encore une fois, c'est d'essayer de voir d'où vient cette rumeur. Et puis des fois, on trouvera jamais la source. On saura pas qui a inventé ça et pourquoi ça circule. Pourquoi ça a été monté en épingle. Puis des fois, on trouve des sources assez comiques, puis on fait « Ah, c'est drôle, comme avec le temps, quelque chose de plus ou moins vrai est devenu, a été complètement modifié, et finalement, on se retrouve avec une information qui n'a plus rien à voir avec la source. Et c'est ça qui est intéressant très souvent. Ouais. Donc ça, c'est pour remonter à la source, mais outre le fait de remonter à la source, bon, on veut pas seulement donc la détecter, on veut remettre les choses à l'endroit. Comment on fait? C'est un travail de recherche beaucoup, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de types de rumeurs, si on pourrait dire, de fausses nouvelles. Il y en a qui sont vraiment de la pure invention. Donc là, vous auriez des exemples, par exemple, de rumeurs inventées de ça? Il y en a eu beaucoup des exemples de pure invention dans les dernières semaines, particulièrement en politique. Oui. Carrément, il y a eu des mensonges, de la propagande, littéralement de la désinformation lors des élections américaines, on le sait. Ça existe. Il y a aussi des rumeurs qui sont un mélange de vrai ou de faux. Là, on pourrait dire que il y a une part de vérité, mais par exemple, s'il y avait une nuance, elle a disparu. Puis on présente ça comme si c'était une vérité. Tout d'un coup, ça manque de nuances. Il y a aussi des erreurs qui sont commises dans la précipitation. Des fois, on va dire, OK, clairement, la personne qui a écrit cet article-là n'a pas pris le temps d'aller lire, par exemple, l'étude à l'origine, ou n'a pas pris la peine d'appeler cette personne-là pour vérifier l'information. Donc, parce que les journalistes, des fois, sont tout simplement très pressés, ils peuvent commettre ce genre d'erreur-là. Et puis après, il y a toutes les croyances populaires, les légendes urbaines aussi. Ce sont différents types de rumeurs. Puis moi, comme je vous le dis, je pense que on peut pas travailler de la même façon toujours selon le type de rumeur qui est face à nous. Donc, on va travailler, encore une fois, toujours de façon très journalistique. L'important là-dedans, c'est de prendre son temps. Je pense que la meilleure arme contre la fausse nouvelle, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle le slow journalisme. Donc, essayer de prendre son temps, d'aller valider les choses, de fouiller. Et c'est vraiment comme ça qu'on va finalement essayer de repérer, de faire la part entre le vrai et le faux. Est-ce que pour mettre un petit peu de concret, vous pourriez nous donner un exemple de rumeur qui a déjà été traitée par le détecteur de rumeurs? Oui, il y en a eu quelques-uns. Je pourrais vous donner des exemples qui ont été faits par des collègues avant moi, parce que ça fait, comme vous le savez, très peu de temps, moi, que je travaille pour le détecteur de rumeurs. Mais voyez-vous, certains des collègues ont fait quelque chose sur, par exemple, en santé. Est-ce vrai que le jus de canneberge prévient et soigne les infections urinaires? C'est faux. Donc, j'imagine que c'était faux. Est-ce que c'était, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des nuances. Donc, est-ce que c'était complètement faux? Est-ce qu'il y avait un petit peu de vrai quand même? Est-ce que c'était oui, mais? Donc, Effectivement, il y a des nouvelles où on va donner une information en disant que c'est plutôt faux. Donc, d'accord. Dans nos verdicts, parfois, il y aura des nuances. Plutôt faux, plutôt vrai. Puis ça, je pense que c'est important aussi de... Par exemple, quelqu'un qui boirait son jus de canneberge, même si c'est faux, que ça n'a pas été démontré pour vraiment prévenir des infections urinaires, mais qu'on aime ça, ben qu'on en boive quand même du jus de canneberge. Hein? Mm-hmm. On n'est pas en train de dire que le jus de canneberge n'est pas bon. Mais si vous forcez tous les jours de boire votre jus de canneberge pour prévenir des infections urinaires, ben c'est peut-être pas une super idée. Mm-hmm. Mais effectivement, il y a des nuances dans les verdicts du détecteur de rumeurs, puis ça, c'est important. Mm-hmm. Donc, des fois, c'est plutôt faux ou plutôt vrai. Donc, dans les sujets qu'on est en train de préparer, bien, on en a des comme ça aussi. On est en train d'en préparer sur l'efficacité de la vitamine C pour prévenir le rhume. On se demande si ça demande vraiment 21 jours pour changer une habitude, par exemple. Il y a aussi eu un article qui a été publié récemment sur le fait que le beurre n'augmentait pas réellement les risques de maladies cardiaques. Donc, ça, c'est plutôt vrai. Donc, voyez-vous, c'est assez varié, les sujets, je pense, qu'on peut toucher. Donc, il y a des vrais ou faux, mais il y a aussi des rubriques qui s'appellent des 5 choses à savoir sur tel élément qu'on va développer avec le temps. Il y a aussi, encore une fois, la rubrique boîte à outils, là, qui va vraiment vouloir outiller les lecteurs à repérer les fausses nouvelles, à avoir peut-être un esprit plus critique quand il est face à des nouvelles. On va aussi éventuellement monter des listes de sites Internet qui sont intéressants au niveau de la vulgarisation scientifique ou qui diffusent des nouvelles intéressantes dans ce domaine-là. Donc, ça va être assez varié quand même, ce qu'on va promouvoir sur le site. Oui, puis de ce que je vois, donc d'après les exemples que vous donnez, c'est quand même des exemples qui peuvent nous toucher dans notre vie de tous les jours, finalement, la consommation de jus de canneberge ou de vitamine C quand on est enrhumé, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent nous aider à prendre des décisions dans notre vie de tous les jours. En terminant... Oui, effectivement, on veut aussi toucher ces sujets-là qui sont plus intemporels, mais évidemment, il y aura aussi des sujets qui seront davantage d'actualité selon les nouvelles qui suivront. Oui. En terminant, Ève, où est-ce qu'on peut lire le travail de la détectrice de rumeurs? Sur le site de l'agence Science Presse, donc sciencepresse.qc.ca, et puis donc il y a une rubrique détecteur de rumeurs là-dessus. Sinon, vous pouvez vous abonner au fil Twitter ou à la page Facebook. D'ailleurs, on demande peut-être aux auditeurs de nous envoyer des suggestions, des questions, des idées que le détecteur de rumeurs pourra traiter au cours de la prochaine année. Et puis, encore une fois, de le voir vraiment dans le sens très, très, très large, parce que nous, vraiment, toutes les thématiques nous intéressent. Donc, si les gens veulent nous écrire, bien, on sera bien contents. Ah, d'accord. Donc, l'invitation est lancée. Alors, merci beaucoup, Ève. Puis, bon travail à la détectrice de rumeurs. Eh bien, ça me fait plaisir. Merci. Donc, je rappelle qu'Ève Baudin est la journaliste engagée par l'agence Science Presse pour remplir cette mission des vérifications des faits du détecteur de rumeurs. Alors maintenant, c'est l'heure d'une petite pause musicale sur CKRL. Et au retour, on plonge dans l'Égypte ancienne avec Marie-Claude Dionne.